Exercice 10, page 45. A. Ça va être bon. Transformer. Ce sera bon. B. Ça va être beau. Transformer. Ce sera beau. C. Ça va être bien. Transformer. Ce sera bien. D. Ça va être top. Transformer. Ce sera top. E. Ça va être cool. Transformer. Ce sera cool. F. Ça va être chouette. Transformer. Ce sera chouette.